Selon les dépêches, a eu lieu le 18 courant à l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsan du Nord, Corée du Sud, désigné pour le site d'installation du SAD, équipement de guerre américain de nature agressive. Le rassemblement pan-national pour l'annulation de la source et l'arrêt de l'installation forcée du SAD illégal. Y ont pris part les membres des formations civiles et sociales, notamment la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, la Fédération générale nationale des sociétés des paysans, la Solidarité pour le progrès social et l'Action nationale pour l'arrêt de l'installation du SAD, les citadins de divers milieux et les parlementaires de l'opposition. Partis tôt le matin à bord du bus de tous les coins de Corée du Sud, ils se sont réunis devant un immeuble du canton de Chojon de l'arrondissement de Songju et ont livré une manifestation sous thème « Les pas pour la paix » jusqu'à la maison de la commune de Soson avant de tenir un meeting. Les participants ont prononcé des discours et adopté un test de résolution. Le test indique que si les États-Unis continuent leur acte lâche d'hégémonie, 17 millions de Sud-Coréens s'indigneront contre eux et que les citadins aspirant à l'indépendance et à la paix, la bougie à la main, tiendront le deuxième rassemblement pan-national le 8 avril pour arrêter la disposition forcée du SAD des États-Unis et des autorités. Après le meeting, les manifestants ont livré la marche vers le terrain de golf de Lotte et se sont rassemblés de nouveau à la commune de Soson pour un rassemblement à la bougie.